Chapitre 16. Quand la grille du parloir se fut refermée sur la petite fille, séparant ainsi la jeune mère de ce qui lui restait sur la terre, la marquise prit silencieusement congé de la supérieure et remonta dans son carrosse. Toujours accompagnée de Toinon, qui avait les yeux gros comme le poing à force de pleurer, la marquise ne pleurait pas, elle avait séché ses larmes en embrassant son fils. Il lui répugnait de donner des marques de faiblesse devant des gens qui n'avaient pas eu pitié pour elle. « Où faut-il conduire, madame la marquise ?» demanda le valet en remontant le marchepied. « À Saint-Germain-l'Auxerrois, » répondit la jeune femme. Elle voulait en un jour épuiser toutes les amertumes de sa vie. Le porche était désert, les peintures à fresques, dégradées par le temps, rongées par l'humidité, moisissaient tristement le long des murs. La journée était pluvieuse et maussade. Qu'il était loin, ce beau jour d'ivresse où Gabriel avait remis son cœur et sa destinée aux mains de son époux. Dans l'église, nue et froide, malgré la saison, quelques vieilles femmes agenouillées marmottaient leurs prières d'un air boudeur. La marquise alla sans s'arrêter jusqu'auprès de la grille du chœur. Arrivée là, elle regarda autour d'elle d'un air morne, puis se laissa tomber à genoux sur les dalles. C'était à cette place même qu'elle avait reçu l'anneau nuptial. Oui, la vie avait été dure pour elle. Heureuse, pensait Gabriel, celles qui n'ont pas fait ce rêve de l'amour béni, celles que leur époux n'a point aimé. Celles-là ignorent les tourments de l'abandon. Heureuses, celles qui n'ont jamais été mères, elles ne savent pas ce que c'est que de se voir enlever ses enfants. Heureuses, celles qui meurent jeunes, car elles sont pleurées peut-être et n'ont pas la douleur de voir s'étendre devant elles un avenir d'isolement et de désespoir. Et Gabriel demanda à Dieu, qui ne lui avait pas donné le bonheur, de la reprendre à ce monde qui ne voulait pas d'elle. La fraîcheur de l'édifice, la solitude, l'assurance de n'être point vue, rouvrirent la source des larmes chez la jeune femme, et elle pleura longtemps, silencieusement, à côté de Toinon qui pleurait aussi, non sur elle, la pauvre femme, si grand que fut son chagrin en perdant les enfants qu'elle avait élevés, mais sur sa maîtresse, à qui ni la fortune, ni la jeunesse et la beauté, ni un rang élevé et enviable n'avaient pu épargner une angoisse et une torture. Le jour baissait. L'église, sombre toujours, s'assombrissait encore. Gabriel ne songeait guère à s'en aller. « Que faut-il que je fasse ? » pensait-elle, « pour calmer la colère de Dieu que j'ai offensée sans doute, sans le vouloir, sans le savoir même ? Se peut-il qu'il l'appesantisse ainsi son bras sur moi si je ne suis pas coupable ? Coupable en quoi ? Mon cœur n'a-t-il pas toujours été rempli de deux uniques pensées, mon époux et mes enfants ? Les pauvres me bénissent, j'ai soulagé les infirmes et les malades, je n'ai connu ni l'orgueil ni la dureté, alors pourquoi suis-je si rudement puni ? Que les prisonniers seraient heureux auprès de moi. » Un vieux prêtre, qui traversait l'église à pas lents, s'arrêta à quelque distance de Gabriel affaissé sous le poids de sa douleur. La mise riche et noble de la jeune femme, l'air discret et honnête de sa suivante, l'engagèrent à se rapprocher. À ce moment, la marquise leva la tête et l'aperçut. Mue par un sentiment irrésistible, elle se leva et vint à lui. L'air vénérable de ce vieillard, ses cheveux blancs, le regard plein de pitié qu'il lui adressait, l'encouragèrent à parler. « Mon père, lui dit-elle, donnez-moi un conseil. Mon âme est pure, mes mains sont charitables. Je n'avais qu'un amour, mon époux, qu'une source de joie, mes enfants. Mon époux m'a abandonnée après 2 ans de mariage, et l'on vient de me prendre mes enfants. Que dois-je faire? Que faut-il penser ?» Le vieux prêtre, interdit, regarda cette belle jeune femme qui attendit sa réponse, les mains jointes et serrées, les yeux brillants de fièvre avec un peu d'égarement. Il eut peur et recula d'un pas. « Ma fille, dit-il, Dieu châtie ceux qu'il aime. Priez-le qu'il vous rende la paix. » Un sourire amer passa sur les lèvres de Gabrielle. Elle salua le prêtre d'une inclination de la tête et se dirigea vers la porte. Arrivée sur le seuil, elle jeta un regard en arrière. L'église était presque noire. La lampe du sanctuaire brillait faiblement tout au fond. Jadis, elle était pleine de monde, ruisselante d'or et de pierreries. Le soleil de mai la traversait de part en part. L'existence de la marquise avait changé de même. Elle laissa retomber la porte et monta dans son carrosse sans avoir parlé. « Madame, dit Toinon lorsque les chevaux reposés eurent entraîné l'équipage sous les grands arbres du cours la reine, et que la figure de la marquise eut perdu tant soit peu de sa rigidité. « Madame, que diront les chers petits ce soir lorsqu'on va vouloir les coucher et que nous ne serons pas là ?» Gabriel fondit en larmes et se laissa tomber sur le sein de sa fidèle servante, qui essaya de la consoler en pleurant avec elle. « Je n'ai plus que toi, toi non, » lui dit-elle. « Toi au moins, tu ne me trahiras pas. » Toinon renouvela son serment de fidélité à sa maîtresse, et en effet, elle ne devait pas la trahir. Lorsque tard dans la soirée, elle fut rentrée au château, et que la marquise se fut mise au lit, vaincue par la fatigue physique, Madame Robert alla rejoindre son mari. « Ça ne fait rien, » dit-elle en se déshabillant pour la nuit. « C'est un gros péché que Monsieur le Duc a mis aujourd'hui sur sa conscience, et j'espère que la justice du ciel l'en punira comme il le mérite. « Que veux-tu dire ?» demanda Robert d'un ton de mécontentement. Il n'aimait pas entendre blâmer le nom de Morez. « Je veux dire que c'est une cruauté inouïe d'avoir enlevé ses enfants à Madame la Marquise. Elle ne demandait que cela pour être heureuse, et Dieu sait s'il a une vie agréable, ici, où tout est triste à en mourir. Si j'étais à sa place, je sais bien, moi, que j'irai à Paris pour me distraire. « Ce serait joli, en vérité, » grommela Robert. « Je te prie de ne pas lui mettre de telles idées en tête. C'est Monsieur le Marquis qui ne serait pas content. « Le Marquis, est-ce que cela le regarde ?» Quand on a une femme comme celle-là et qu'on la traite comme il l'a fait. « Eh bien ?» dit Robert d'un ton qui n'avait rien d'encourageant. « Eh bien, s'il vous arrive malheur, on n'a que ce qu'on mérite, » répliqua Toinon, trop en colère pour mesurer la portée de ses paroles. Elle n'avait pas achevé sa phrase qu'elle sentait s'abattre sur son épaule la main de son mari. « Si jamais tu te permets de parler de la sorte à madame, » dit-il, « je t'étrangle. Entends-tu » Effrayé, Toinon regarda son mari. Blême de rage, il pouvait à peine prononcer les mots entre ses dents serrées. Il continua pendant qu'il la secouait énergiquement. « L'honneur de Morez avant tout, tu comprends ? Madame n'est que trop heureuse d'être entrée dans la famille, et qu'elle se tienne bien, car c'est moi qui veille sur l'honneur de la maison. » Il grommela encore quelque chose entre ses dents, puis finit par se taire. À partir de ce jour, Toinon cessa d'aimer son mari. Non qu'elle n'eût jamais eu beaucoup d'affection pour lui, mais elle en était fière. Dès ce moment, elle en eut peur et le considéra comme un ennemi pour elle-même et surtout pour sa maîtresse, sur laquelle elle reporta toute sa tendresse et son dévouement presque animal. Chapitre 17e. Livrée à elle-même, Gabrielle eût sans doute vécu dans une retraite profonde, et peut-être sa vie en eût-elle été fort abrégée. Mais Madame de Rogis ne lui permit pas ce genre d'existence. « On ne vit qu'une fois, ma chère belle, » lui disait-elle à tout moment. « Vous avez 23 ans, vous êtes adorable, et vous voulez vous enterrer toute vive ? Au nom des grâces, je proteste !» Et Gabrielle se laissa faire. Madame de Rogis commença par battre le pays, suivant sa propre expression. Il ne manquait dans les environs ni de voisins ni de voisines, et bientôt la bonne dame eut recruté la première de toutes les nécessités, à savoir de quoi faire une partie de cartes. Sous son irritation habile, la société du château, composée d'abord du curé et de sa sœur, s'augmenta de quelques vieux seigneurs et de quelques nobles dames, trop pauvres pour vivre à Paris et trop fiers pour s'encanailler avec la bourgeoisie. Ces recrues n'apportèrent pas un élément bien varié à la vie de Morez, mais comme disait Madame de Rogis, les petits ruisseaux font les grandes rivières, et la pétulante vieille, elle avait prodigieusement vieilli depuis qu'elle renonçait à paraître jeune, tenait à voir couler un flot de promeneurs sous les ombrages du parc. On fit venir des nouveautés de Paris, des livres bien entendu. La marquise allait voir ses enfants toutes les semaines, et ses voyages apportaient quelques variétés et un peu de distraction dans la vie du château. Madame de Rogis l'accompagnait souvent. Le duc, plus morose et plus podagre, mais plus résolu à vivre que jamais, recevait sa belle-fille avec plaisir. Dans une certaine mesure, il lui savait bon gré de s'être résigné à la séparation qu'il avait arbitrairement exigée. Il trouvait la marquise si convenable de tout point qu'il en écrivait même à son fils. Gabrielle reçut un jour une lettre de son mari où celui-ci lui faisait compliment de la manière entendue dont elle avait su arranger sa vie et lui promettait une prochaine visite. Hélas, en 10 ans, Gabrielle reçut encore 10 de ces lettres, et si la première lui avait fait battre le cœur en évoquant devant elle le spectre de son bonheur évanoui, les autres n'amenèrent plus sur ses lèvres qu'un sourire moitié amer, moitié railleur. 10 ans passèrent, 10 années semblables les unes aux autres. La marquise perdit son père, mais sauf le deuil et les cérémonies d'usage, cet événement la laissa indifférente. Depuis son mariage, elle ne l'avait pas vu 4 fois. Robert avait les cheveux tout à fait blancs. Toinon s'était fort épaissi, mais si ses pas étaient moins agiles, Son cœur généreux était aussi dévoué que jamais. Le vieux duc vivait toujours. René venait d'obtenir son épée d'officier, et à ce propos il était venu rendre visite à sa mère, qui n'avait pu s'empêcher de pleurer en le voyant si semblable à ce qu'était jadis son père. Lucile, un peu paresseuse, n'avait pas appris grand-chose au couvent, et de l'avis de tous, 1 ou 2 ans d'études lui étaient encore nécessaires. Sa mère eût bien voulu l'avoir avec elle, mais elle devait s'incliner comme toujours devant la volonté des autres. Pour le marquis, seul le temps avait eu des ailes. La vie militaire était faite pour lui comme il était fait pour elle. Le commandement d'un régiment, la partie administrative qui occupait son activité, aussi bien que le plaisir d'être presque un roi dans cette petite sphère, était de tout au monde ce qui lui convenait le mieux. Aussi, la guerre finie, s'était-il bien gardé de quitter le service du roi? Pourquoi le quitter? Où trouverait-il l'équivalent de ce qu'il perdrait en abandonnant cette vie plantureuse et facile? Les dames de province ont toujours eu le cœur tendre à la vue d'un brillant uniforme galamment porté. Les officiers des régiments de choix, tous nobles, quelques-uns riches, adoraient leur colonel. La vie du marquis s'écoulait entre les fins soupers et les conquêtes faciles. Un peu de gloire par là-dessus, obtenue parmi beaucoup de revers, et d'autant plus flatteuse, n'était-ce pas là de quoi remplir la vie d'un homme de ce temps? Aussi le marquis n'avait-il pas senti les années peser sur lui. Il approchait de la cinquantaine, mais lui-même n'en savait rien, et nul certes ne songeait à le lui apprendre. Gabrielle avait 33 ans, lorsqu'un grand malheur vint la frapper. Elle avait organisé sa vie de façon à attendre la vieillesse sans ennui, en compagnie de sa fidèle parente, quand Madame de Rogis mourut. Cette aimable épicurienne mourut comme elle avait vécu, soutenue par des maximes consolantes au sein d'une morale facile. « Vous allez bien vous ennuyer, ma pauvre petite, » dit-elle à Gabrielle 2 ou 3 jours avant sa mort. « J'aurais voulu vous aider à passer encore quelques années d'isolement, je n'y puis rien. D'autres vous consoleront, » ajouta-t-elle avec un sourire qui rappelait sa jeunesse. Elle demanda à être enterrée avec un déshabillé couleur de rose qu'elle avait affectionné jadis et qui dormait dans un grand coffre. « C'est celui que je portais, » dit-elle d'une voix éteinte, « le jour où le chevalier me fit cette déclaration brûlante à laquelle je ne pus résister. Et surtout, » ajouta-t-elle, « qu'on me mette du rouge. Il ne faut faire peur à personne, pas même à la mort. » Un beau soir de juin, elle expira, et son âme s'en alla sans doute dans une sorte de Champs-Élysées où doivent errer les parfums des vieux sachets et les cendres des billets doux, car elle n'était pas faite pour le ciel, et le ciel non plus n'était guère propre à la recevoir. Elle s'y fut ennuyée à périr. La noblesse des environs s'empressa autour de la marquise pour la consoler de la perte de sa parente et pour combler le vide effrayant que cette mort faisait au château. Ces braves gens, dont le cœur n'était pas blasé par la vie superficielle des villes, donnèrent à Gabrielle de nombreuses et solides marques de dévouement. Parmi les plus assidues des visiteuses, une vieille dame, ancienne beauté de la cour, se montra particulièrement affectueuse envers la marquise. Elle aussi sentait saigner son cœur, et bien des fois, elle avait pleuré avec Gabrielle sur l'éloignement de ses enfants. Madame de Présange n'avait qu'un fils, âgé de 24 ans, et celui-ci avait été réclamé par un oncle riche et célibataire, qui, de même que le duc, tenait à avoir dans sa maison la joie que donne la présence d'un être jeune et aimable. Depuis 12 ans, il vivait loin de sa mère. Les deux femmes avaient uni leurs larmes plus d'une fois. Un soir que Gabrielle rêvait à sa défunte parente, à ses enfants absents, à son mari, presque mort pour elle, elle entendit un carrosse pénétrer dans la cour du château. Le froissement d'ajustement féminin tira la marquise de sa rêverie. À peine avait-elle eu le temps de se lever qu'elle reçut dans ses bras Madame de Présange, hors d'haleine, en grand deuil, tout en larmes et riant à la fois. « Quel malheur, disait-elle, et que je suis contente. Oh, ma chère marquise, que les voies de Dieu sont impénétrables. Il est mort, et voilà que nous l'aurons ici dans 8 jours. » Gabrielle, épouvantée, se demandait si la vieille dame avait perdu la raison. « Et qui est mort ? » demanda-t-elle incertaine. « Votre fils ? » ?»« Mon beau-frère est mort et mon fils revient. Il est riche, il est légataire universel. Ah, ma chère, voilà 12 ans que je n'ai embrassé mon fils. » Joie et larmes, tout fut bientôt partagé, et les deux mères se séparèrent au bout de quelques heures en se promettant de se revoir bientôt. 8 jours après, Gabrielle était seule dans le parc à l'heure où le soleil baisse. Elle avait repris ses promenades solitaires à la source abandonnée. Là, elle retrouvait quelque chose du passé, d'un passé douloureux, mais où son cœur avait battu. Oui, certes, elle avait beaucoup souffert de l'abandon du marquis, mais ses souffrances mêmes, ses jalousies, ce désespoir, ses révoltes d'une âme jeune et qui veut vivre, tout cela ne valait-il pas mieux que la torpeur dans laquelle la jeune femme avait trouvé leur peau? En mettant la main sur son cœur, Gabrielle avait beau l'interroger, elle ne sentait aucun battement insolite, aucun nom, aucun souvenir, n'amenait plus de rougeur à son visage toujours pâle. « Ai-je seulement vécu jadis ?» se demandait-elle. « Ai-je aimé ? Ai-je pleuré ? Tout cela n'est-il pas un rêve ? Ou bien suis-je changé en pierre, comme cette nymphe dont l'urne pleure toujours ?»« Ah ! » fit-elle avec amertume. « Ce n'est pas Madame de Rogis qui est morte, c'est moi. » Elle espérait pouvoir pleurer sur elle-même, mais son cœur était sec et ses yeux étaient sans larmes. « C'est bien fini, » se dit-elle. « Il ne me reste plus qu'à achever de mourir. » Comme elle se levait pour retourner au château, elle vit une forme se dessiner sur le sentier déjà assombri par le crépuscule. Croyant que c'était un domestique et qu'on venait la chercher, elle fit quelques pas en avant. Un beau jeune homme, vêtu de noir comme elle-même, s'arrêta en sa présence et s'inclina profondément. « Pardonnez mon audace, madame, » dit-il d'une voix grave et douce. « Ma mère, madame de Présange, est fort souffrante et désire vous voir. »« Vous êtes monsieur de Présange ?» dit lentement Gabrielle. Le jeune homme s'inclina silencieusement. « Votre mère est bien heureuse, » commença la marquise. Elle s'arrêta, troublée. Les yeux du nouveau venu avaient rencontré les siens, et dans ses yeux, elle lisait une admiration dont elle avait perdu le souvenir. « Ma mère est bien malade, » reprit la voix de velours du visiteur. « Je ne sais si c'est la grande joie de me revoir, mais je l'ai trouvée très faible. Elle implore votre visite. Si vous pouvez venir, madame, vous lui causerez un plaisir extrême et peut-être votre présence serait-elle un bienfait. »« J'y vais, monsieur, » reprit Gabriel. « Veuillez annoncer mon arrivée à madame votre mère. » Le jeune homme prit les devants et, quand la marquise atteignit le château, le bruit des fers d'un cheval sur le pavé lui apprit que monsieur de Présange emportait son message. Elle manda aussitôt Toinon, pria Robert de l'accompagner et partit malgré la nuit. « Madame la marquise est si bonne, » se disaient les gens en la voyant partir. « Elle n'a jamais pu voir quelqu'un dans la peine sans lui venir en aide. » Pendant ce temps, Gabriel, troublé, sentait battre son cœur d'une émotion singulière et douloureuse. « Je ne croyais pas tant aimer la pauvre dame, » se dit-elle, « comme je suis inquiète, comme je suis troublée. » se répéta-t-elle en apercevant les fenêtres éclairées de la maison de madame de Présange. Le jeune homme l'attendait sur le seuil. « Ma mère va mieux, » dit-il en apercevant Gabriel. Chose étrange, l'agitation de Gabriel n'en fut pas diminuée. Chapitre 18e. La vieille dame avait reçu un choc trop fort. Les organisations féminines de ce temps n'étaient point armées pour la lutte comme de nos jours. Rien ne les faisait vivre, peu de choses suffisaient pour les ébranler. Et puis, cette mère trouvait un fils si tendre, si beau, si parfait, que la joie la submergeait littéralement. Elle languit pendant quelques semaines, puis un matin, à l'heure où les oiseaux s'éveillent, elle s'endormit pour toujours, heureuse et calme, dans les bras de Gabriel, qui venait de passer plusieurs jours près d'elle. Quand la marquise eut pieusement fermé les yeux de la bonne dame, elle regarda autour d'elle. Julien de Présange, à genoux près de la couche funèbre, ne détachait pas ses regards des traits de la morte, où la sérénité d'une fin paisible adoucissait la rigidité du tombeau. Inquiète, Gabrielle fit un mouvement. Le jeune homme leva les yeux, se redressa et s'inclina devant elle. « En présence de celle qui n'est plus, dit-il, laissez-moi vous remercier. Vous avez été une fille pour elle. » Gabrielle sentit son cœur battre encore de cette émotion douloureuse qu'il avait tant surprise le premier soir qu'elle avait vu Julien. « Je n'ai plus que vous, » murmura le jeune homme en détournant la tête pour cacher ses pleurs. Le soleil surgit tout à coup derrière la forêt voisine, et ses rayons rouges pénétrèrent par la fenêtre dans cet intérieur funéraire, portant la couleur de la vie jusque sur le visage de la morte. Malgré l'impression funèbre, si récente et si douloureuse, malgré le souvenir de madame de Rogis évoqué par cette triste scène, Gabrielle sentit une sorte de chaleur joyeuse pénétrer jusqu'au fond d'elle-même. « Soyez bonne pour moi, » dit Julien, toujours incliné, « ne me bannissez pas de votre présence. »« Venez me voir, nous parlerons d'elle, » dit Gabrielle, et elle quitta cette maison où elle n'était plus nécessaire. Quand le terme rigoureux du premier deuil fut terminé, Julien de Présange vint faire une visite à la marquise. Ils étaient en noir, tous deux, leur maison désolée mettait entre eux une triste communauté de pensées. La visite fut courte et Julien s'en retourna avec une joie étrange au cœur. Dans sa peine, il ne se sentait pas seul. Il revint rarement d'abord, puis plus souvent. Son deuil lui interdisait les réunions nombreuses. Il n'aimait d'ailleurs ni le monde ni le bruit. Élevé au fond d'une province, près d'un vieillard, il n'avait pu contracter le goût des plaisirs bruyants. Sa plus puissante distraction était un temps de galop sur un bon cheval. Il vint souvent, et Gabriel le reçut avec cette simplicité qui la mettait si fort au-dessus ou au-dessous, car tout dépend du point de vue, des femmes de ce temps. Elle aimait sa présence, pourquoi le lui aurait-elle caché? Ce jeune homme grave et doux, qui parlait sensément de choses qu'elle ne connaissait que par ouï dire, cette bonne grâce aisée qui ne se piquait point de beau parler, mais qui n'embarrassait jamais personne, tout cela n'était-il pas de nature à plaire à tous? Et Gabrielle faisait-elle quelque chose de répréhensible en se laissant charmer? La vie désormais avait un but pour elle. Autrefois le but c'était le voyage à Paris pour voir ses enfants, et dans l'attente de ce jour, la semaine se traînait lente et boiteuse. Maintenant il y avait d'autres jours qui étaient des fêtes. Certains galops sur le pavé de la cour faisaient monter aux joues de la marquise une rougeur brûlante, pendant que son cœur bondissait d'une manière insensée sous l'étroit corsage orné de dentelle. Un soir, en déshabillant sa maîtresse, Toana se hasarda à lui glisser un conseil. « Madame, j'ai peur qu'on ne vous fasse bientôt du chagrin. » Gabriel leva la tête, son apathie d'autrefois était bien loin. « Encore ? » dit-elle. « On trouve que je n'en ai pas eu assez, qu'y a-t-il de nouveau ?» Alors, avec mille précautions, car le sujet était délicat, Toinon raconta que son mari grommelait depuis quelque temps, qu'il était toujours de mauvaise humeur. « Et pourquoi donc, s'il te plaît ?»« C'est que Robert dit qu'il est chargé de garder la maison de Morez. Eh bien, craint-il que je ne la vole ?» Et, continua Toinon en prenant son courage à deux mains, « il dit que M. de Présange vient bien souvent ici. » Gabrielle se leva de toute sa hauteur. « Va dire à Robert que je le chasse, » dit-elle à sa suivante, consternée. Toinon se laissa tomber à genoux devant elle en pleurant. « Ah, ma chère maîtresse, » murmura-t-elle, « ne savez-vous pas que c'est lui qui a l'oreille de M. le Duc? Il est le maître ici. » Gabrielle retomba sur son lit, et les larmes les plus amères, celles de l'orgueil blessé, coulèrent silencieusement de ses yeux. « C'est vrai, » dit-elle, « je ne suis rien ici. » « C'est lui qui est le maître, le digne représentant de mon beau-père. Eh bien, soit. Monsieur de Présange ne viendra plus. Dès demain, je lui ferai savoir que je ne suis pas libre de recevoir qui bon me semble, que ceux que je nourris se retournent contre moi. Bah, tu peux dire à ton mari que celui qu'il est n'offusquera plus ses yeux. » « Ma chère maîtresse, je vous en conjure, » reprit Toinon, suppliante, « n'agissez pas ainsi. Robert s'apercevra que je vous ai parlé, et s'il en doute, il perdra toute confiance en moi. » Ce serait le plus grand malheur qui peut nous arriver, car nous serions alors à sa merci, tandis qu'avec ce que je puis vous apprendre. » « Tu as raison, Toinon. Tu es une fidèle servante, » répliqua la marquise en serrant les mains de son humble ami. « Je lui ferai entendre qu'il vienne moins souvent. » Le lendemain, en effet, Julien se présenta, mais il y avait compagnie au château et le jour s'écoula sans que la marquise pût lui parler. Vers le soir, cependant, elle proposa un tour de jardin. Et grâce au hasard de la promenade, elle se trouva près de lui sans affectation. Profitant d'un instant d'isolement, elle s'arrêta sous le quinconce de tilleul, alors en pleine floraison. « Monsieur de Présange, lui dit-elle, j'ai quelque chose à vous demander. »« Ordonnez, madame, » répondit-il en s'inclinant. « Je suis encore jeune, monsieur, » dit Gabriel, « du moins on le prétend, car pour moi je n'en savais rien, je vous le jure. » Certains esprits mal faits assurent que vos fréquentes visites peuvent donner lieu à des interprétations défavorables. « Vous me bannissez ?» s'écria Julien avec douleur. « Ce n'est pas moi, » murmura la jeune femme. « Vous n'êtes point banni, » se hâta-t-elle de reprendre pour tâcher de faire oublier cette imprudente parole. « Mais ne venez qu'au jour où je convoque mes amis. » « Alors, » dit Julien, « plus de ces bonnes causeries, plus de ces entretiens où vous me permettiez de vous dire ma pensée. » Gabriel secoua la tête avec tristesse. « C'est donc fini, ce beau rêve, où vous m'aviez promis de me consoler, de me parler de ma mère. Vous m'affligez, dit doucement Gabriel en se remettant à marcher. « Alors, reprit Julien, s'il ne tenait qu'à vous, rien ne serait changé. »« Non, » murmura faiblement la marquise, qui sentit le terrain manquer sous ses pieds. « Je vous remercie, » dit à voix basse Julien. Nul ne les voyait. Il porta lentement à ses lèvres la main que Gabriel n'eut pas la force de retirer. Ils rentrèrent au château et ne se parlèrent plus de la soirée.